Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'un tueur atypique, un agresseur mystérieux qui a semé l'horreur et la mort sur son passage, Roberto Succo. De 1987 à 1988, d'Annecy jusqu'à Toulon, l'homme enchaîne les cambriolages, les agressions, les viols et les meurtres. Ainsi, pendant de longs mois, il se déplace et reste insaisissable. De leur côté, les enquêteurs peinent à identifier le malfaiteur. Ils le connaissent d'abord comme l'homme outrayé, puis comme André. Début 88, l'enquête progresse et on découvre enfin le vrai nom du criminel, Roberto Succo, un Italien de 26 ans. Les gendarmes français fouillent dans son passé et font une découverte troublante. Quelques années auparavant, en 1981, l'homme avait tué sauvagement ses propres parents, chez lui, en Italie. Le jeune Roberto avait été retrouvé, puis interné. 5 ans plus tard, en 1986, il s'était évadé avant de fuir en France. En février 88, sa cavale prend fin. Il est retrouvé, arrêté, pour une série de 5 meurtres. Malheureusement, il ne sera jamais jugé, il se suicide dans sa cellule en mai 88. Roberto Succo, c'est l'histoire d'une fuite en avant, la cavale d'un meurtrier froid qui supprime toutes celles et tous ceux qui se mettent en travers de sa route. Mais Roberto Succo, c'est aussi un jeune homme aux yeux clairs, séducteur et beau parleur. Alors, qui était-il? Par quelle pulsion était-il guidé? Et surtout, comment l'enquête s'est-elle déroulée? Notre invité aujourd'hui, Pascal Froment, journaliste, historienne, auteur du livre intitulé « Je te tue, histoire vraie de Roberto Succo, assassin sans raison », paru chez Gallimard en 1991. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Ballandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Coy Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Lundi 27 avril 1987, le soleil du début d'après-midi donne aux rives du lac d'Annecy des airs de carte postale. Dans le quartier résidentiel de Sevrier, un homme inquiet, il s'appelle Bernard, rentre chez lui. Voilà plusieurs heures qu'il essaie de joindre sa compagne, sans succès. Elle s'appelle France Vudine. C'est une femme brune, aux yeux noirs, d'origine vietnamienne, qui va bientôt avoir 30 ans. Ce n'est pas dans ses habitudes de partir sans donner de nouvelles, et son compagnon le sait. Quand Bernard arrive vers 15h, les portes de leur joli chalet en bois sont closes. À l'intérieur, tout semble normal, rangé. Ce matin-là, à 11h, France suit sa leçon de piano hebdomadaire. Bernard appelle chez le professeur et apprend qu'elle ne s'est pas présentée à son cours. Sa voiture, une petite Austin métro grise, a également disparu. Que s'est-il passé? L'hypothèse d'une fugue semble absurde. Après avoir appelé ses amis et les hôpitaux de la région, l'homme se résout à prévenir la gendarmerie. France Vundine s'est volatilisée. Le soir de ce même 27 avril, 190 km plus au sud, un chauffeur de taxi, Jean-Marie Ribert, rentre chez lui à Gap, à bord de sa Mercedes. Autour de 22h15, il s'arrête sur une petite aire de stationnement. Il stoppe le moteur, éteint les phares, puis incline le dossier de son siège. Personne à l'horizon, seulement lui et le silence des montagnes. Ses yeux se ferment. 10 minutes plus tard, l'homme se réveille en sursaut. Une voiture approche au loin. Il sort du véhicule pour se dégourdir les jambes. Une Austin métro passe, puis s'arrête sur la route. Étrange. La voiture fait demi-tour, puis entre sur la petite aire. Elle freine quelques mètres derrière le taxi, phare allumé. Un jeune homme sort alors du véhicule, puis s'avance vers Jean-Marie, une main glissée dans son blouson. La suite, c'est le chauffeur de taxi qui la raconte, au micro d'Antenne 2, le 19 mai 1987. Il s'est approché, il m'a braqué, il m'a fait rentrer dans le coffre. J'avais conservé les clés, donc il est revenu ouvrir le coffre pour me faire sortir du véhicule, pour me remettre à la position au chauffeur, pour lui expliquer vaguement le fonctionnement du véhicule. Et ensuite, ça va très vite. Je démarre, je profite d'une minute d'une attention, et ça va très très vite. la personne tire, mais c'est très rapide. On l'aura compris, le chauffeur de taxi vient de frôler la mort. Les balles tirées par le malfaiteur traversent la carrosserie, mais ne l'atteignent pas. Il peut donc s'enfuir et prévenir les gendarmes. Sur la voiture, les impacts sont impressionnants, du gros calibre, le genre à faire beaucoup de dégâts. Pendant son agression, le chauffeur a eu le temps de remarquer que le malfaiteur n'était pas seul. Dans la petite Austin, il a aperçu une jeune femme brune, immobile, à la place du passager. Elle a suivi la scène, immobile, les yeux écarquillés, elle semblait terrorisée. Une heure plus tard, à 23h35, ce 27 avril 1987, 70 km plus au sud, le docteur Michel Astoul, un jeune médecin interne de 26 ans, quitte l'hôpital de Sisteron à bord de son Opel Kadett. Il rentre chez lui, à une quinzaine de kilomètres de là, dans la petite maison qu'il partage avec son épouse. Mais ce soir-là, il est en retard et ça ne lui ressemble pas. Inquiète, sa compagne alerte les gendarmes. Deux disparitions coup sur coup et une agression, ça commence à faire beaucoup. À 1h du matin, les enquêteurs font une première découverte. L'Austin métro de France Vundine est garé à l'entrée d'un petit chemin au bord de la route que le docteur Astoul aurait dû emprunter pour rentrer chez lui. Le moteur est encore tiède. À l'intérieur, personne. Très vite, les enquêteurs font le lien entre ces trois affaires et la piste d'un unique agresseur est privilégiée. 4 jours plus tard, le 1er mai 87, les gendarmes font une étrange découverte. L'Opel Kadett du docteur est retrouvé là où tout a commencé, à Sevrier, à côté d'Annecy, sur un parking à 100 mètres à peine du chalet de France Vundine. Alors, pourquoi le ravisseur est-il revenu sur ses pas? Où est-il? Et surtout, où sont les deux disparus? Pour les gendarmes, une enquête laborieuse débute, elle va durer plusieurs mois. Plusieurs unités de gendarmerie sont déployées. Le compagnon de France Vundine, Bernard, se souvient alors d'un détail singulier. Quelques jours avant son enlèvement, France a ouvert la porte de sa maison à un inconnu qui portait un treillis. Il lui avait demandé un verre d'eau qu'elle lui avait donné. Le témoignage du chauffeur de taxi rescapé décrit un jeune homme plutôt costaud, aux yeux clairs, avec des cheveux courts, qui parle avec un accent étranger, italien, peut-être. S'agit-il du même homme qui a demandé le verre d'eau? Qui est-il? Bernard donne ses impressions au micro d'Antenne 2. J'ai l'impression que le ravisseur n'est pas quelqu'un de méchant. Je pense qu'il s'est laissé... laissé entraîner dans une histoire qu'il a un peu dépassée et qu'il est lui-même dans une situation de peut-être de ne pas bien savoir ce qu'il peut faire pour se sortir de là. Bernard a-t-il raison? Est-ce que l'homme au treillis se retrouvait dépassé par ses propres actes? En tout cas, il fait très vite parler de lui. Et dans les 2 mois qui suivent la double disparition, une série d'agressions bizarres surviennent en Isère et en Savoie. La première a lieu le vendredi 22 mai 87 à 1h30 du matin. Dans un pavillon de Kroll, non loin de Grenoble, à une centaine de kilomètres d'Annecy, Cécile, une étudiante en médecine de 22 ans, s'apprête à partir. Elle traverse la salle à manger dans le noir, sur la pointe des pieds. C'est alors qu'une ombre la fait sursauter. Un homme est là. Arme à la main, il lui intime avec un accent étranger de se taire. Il est un terroriste, dit-il, et elle devra lui obéir. L'homme la pousse dehors et tous les deux prennent place dans la voiture de la femme. Cécile conduit jusqu'à une petite clairière. Et là, l'inconnu l'oblige à se déshabiller, puis la caresse. Elle repousse tranquillement, si j'ose dire, ses avances et entame le dialogue. Et un contact se noue. Peu à peu, l'homme baisse la garde. Enfin, il la laisse partir. Cécile est tremblante, choquée, mais vivante. Les autorités ne font pas tout de suite le lien avec la double disparition du mois précédent. Cependant, dans les semaines qui suivent, ce mode opératoire se répète. Un schéma bien particulier, comme l'explique la journaliste Pascale Froment au micro de France Culture en mai 2018. Comme toujours dans les histoires qui concernaient Roberto Succo, ou presque toujours, on avait l'impression qu'il avait un petit parcours d'abeille, c'est-à-dire qu'il faisait un repérage, il volait éventuellement quelques trucs... Il escaladait comme un chat. Enfin, c'était vraiment assez typique de sa façon de procéder. Et ensuite, il revenait et il agressait. C'était comme ça qu'il faisait. Ainsi, en juin 1987, deux agressions similaires surviennent dans les environs. Et à chaque fois, le suspect est un homme jeune, aux yeux clairs, armé d'un revolver, qui parle avec un accent. Une description déjà bien connue des enquêteurs. Le commandement de la gendarmerie redoute le pire. Il y a un fou qui rôde dans les Alpes, un homme aussi dangereux qu'audacieux, une vraie tête brûlée. Un élément en particulier intrigue les enquêteurs, son arme. En effet, le rôdeur utilise un revolver de gros calibre, du même genre que ceux des forces de l'ordre, qui font alors le lien avec un crime non résolu qui s'est déroulé vers Chambéry à peine trois mois plus tôt, le 3 avril 1987. Le meurtre d'un policier, André Castillo. À 6 heures ce matin-là, un voisin avait découvert le brigadier, mort, derrière la voiture, à 50 mètres à peine de sa maison. Il avait été tué d'une balle en pleine gorge et s'était vidé de son sang. Sa voiture avait été fouillée, bien sûr. Son arme de service, un revolver de gros calibre de marque Manurin, avait disparu. Au départ, les pistes sont maigres et on s'imagine que le tueur connaissait le policier, comme le montre ce reportage de France 3 Grenoble du 3 avril 1987. On peut envisager effectivement l'hypothèse d'une personne connue de la victime qui se trouve au bord du parking, ça se trouvait à l'emplacement d'un parking, qui le elle, celui-ci la reconnaît, s'arrête, la portière s'ouvre, une discussion s'engage, pourquoi pas, et il sort parce qu'il est sorti. C'est un homme assez corpulent, moi je ne vois pas a priori qu'on l'ait traîné hors de la voiture, contre son gré. L'hypothèse qu'il ait été abattu par quelqu'un qui le connaissait me paraît devoir être retenue à l'égal d'autres hypothèses. Au commissariat central de Chambéry, on est en deuil et on ne s'explique toujours pas cet assassinat. Brigadier Castillo est effectivement un homme très rigoureux, très strict et loyal. Et c'était un motard très dynamique. Donc on peut bien sûr envisager que des victimes de la répression qu'il a eu l'occasion d'exercer, puisse avoir voulu se venger, pourquoi pas, mais c'est vraiment dans le domaine de l'imaginaire. Et je laisserai plutôt au juge d'instruction, à la justice et aux enquêteurs le soin de nous éclairer dans l'avenir. Après le meurtre du policier Castillo, les disparitions de France Vudine et Dr Astoul, puis la série d'agressions, les enquêteurs de toutes les sections concernées se réunissent le 3 juillet 1987. Ils veulent repérer les similitudes entre les affaires. D'ailleurs, les témoignages concordent. Un jeune homme d'allure sportive, aux yeux clairs, à l'accent étranger, parfois vêtu d'un treillis, énervé et injurieux, qui menace constamment de tuer. Quant à ses motivations, elles semblent obscures, à la fois cambrioleur, voleur de voiture et agresseur sexuel. Quoi qu'il en soit, ses actes laissent présager le pire et l'on craint qu'il repasse à l'acte. Le 18 octobre, un paysan savoyard fait une macabre découverte. Le cadavre d'un homme gît dans la petite remise de son exploitation viticole. Coincé entre les tonneaux, le corps est resté figé en position de défense, une balle en pleine tête. Des analyses sont effectuées. Il s'agit du docteur Astoul, disparu depuis 6 mois. Un reportage de FR3 Grenoble relate la découverte. C'est dans cette remise dont il est propriétaire à 500 mètres de son habitation que Jean Petra a découvert il y a 9 jours le cadavre d'un homme en décomposition avancée. Le corps était caché apparemment depuis plusieurs semaines. C'est l'odeur qui a attiré son attention. Je pense que les éventuels agresseurs connaissaient certainement le lieu pour amener une personne dans cet emplacement qui n'est pas désert, mais il fallait quand même le connaître. C'est une maison qui était inhabitée, mais les gens venaient que de temps en temps seulement. 10 jours après la découverte du cadavre, les gendarmes passent encore les environs de la remise au peigne fin à la recherche d'indices. En tout cas, s'il s'agit du corps de docteur Michel Astoul, il y a lieu d'avoir quelques inquiétudes sur le sort de France Vudine, enlevé le même jour par le même homme à Annecy, France Vudine dont on est toujours sans nouvelles. Quelques jours après la découverte du corps, l'assassin frappe de nouveau. Le samedi 24 octobre 87, à quelques kilomètres de Sévrier, là où France Vudine a été enlevée, un homme rentre chez lui. Dans les toilettes, il découvre une scène d'horreur. Le cadavre de sa femme repose là, nu, ensangloté, défiguré. Elle s'appelle Claudine Duchosal, elle a 40 ans. Selon les premières constatations, elle a été violée, frappée, puis battue d'une balle dans la tête. On pense tout de suite à l'homme au drap. Les enquêteurs remarquent que tous les crimes commis dans les Alpes l'ont été pendant un week-end ou un lundi. Est-ce que l'assassin travaille en semaine? Habite-t-il ailleurs? Une chose est sûre, l'inconnu court toujours. Et très vite, il refait parler de lui, cette fois dans le sud du pays. Le 1er décembre, à 3h du matin, dans un pavillon de Carcaran, dans le Var, Brigitte, une jeune femme de 23 ans, est surprise par un rôdeur. Après l'avoir attachée, l'homme la viole, puis la libère. Elle réussit finalement à fuir et à alerter les autorités. Là encore, le signalement correspond. Détail troublant, presque un an plus tôt, le père de Brigitte s'était fait voler un dictaphone qui traînait dans sa voiture et on allait le retrouver des mois plus tard. Non loin de là, deux mois après l'agression de Brigitte, une affaire qui semble des parts étrangères à l'enquête sur l'homme au tri va mener les forces de l'ordre sur une nouvelle piste. Toulon, au petit matin du 28 janvier 1988, une fusillade vient d'éclater devant une boîte de nuit du quartier malfamé de la vieille ville. Jackie, un petit truand local, a été touché de deux balles dans le ventre. Il est grièvement blessé. Les inspecteurs Morandin et Aizy commencent leur enquête. Ils songent d'abord à un règlement de compte entre voyous. Carnet à la main, ils recueillent quelques témoignages. Le tireur serait un jeune homme aux yeux clairs, volubile, avec un accent étranger qui se fait appeler André. Ce soir-là, cet André était accompagné de deux femmes, deux jeunes sœurs qui travaillent dans un bar à hôtesse et qui logent dans un hôtel non loin de là. Les inspecteurs se rendent sur place. Dans une chambre, ils retrouvent l'une des filles et commencent à l'interroger. C'est alors qu'un homme aux yeux clairs arrive sur le pas de la porte, le fameux André. Il sourit au fonctionnaire, puis plonge sa main dans son blouson. Deux coups de feu claquent. L'inspecteur Aizy s'effondre, touché au thorax. Morandin, lui, est blessé à la jambe. Dans la foulée, André prend la fuite dans l'escalier. Morandin le suit en boitant. Alors, le fuyard se retourne, puis tire sur l'inspecteur qui tombe dans l'escalier. Le tireur revient alors sur ses pas et l'abat à bout portant d'une balle dans la tête. Michel Morandin meurt à l'âge de 35 ans. Aizy est blessé mais en vie. Olivier Folle, de la direction de la police judiciaire, parle de criminel au micro de France Inter. Cet individu semble et est particulièrement dangereux. Il l'a démontré pour avoir achevé l'inspecteur de police de la police judiciaire de Toulon. Et par conséquent, les forces de police qui sont mises à sa recherche prendront bien entendu des précautions le jour où il sera détecté. Mais c'est une affaire criminelle et comme toute affaire criminelle, elle est... traité un peu comme un rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de recherches automatiques obligatoires qui sont faites par les policiers, et puis par là-dessus, il y a bien entendu l'enquête par elle-même, vérification de ses domiciles, vérification des gens qu'il a pu connaître, donc un travail de filature, d'observation et d'enquête judiciaire tout à fait classique. Et l'enquête ne traîne pas. Quelques secondes après la mort du policier, des témoins remarquent un homme sortir de l'hôtel, puis quitter les lieux à bord d'une Alfa Romeo grise. Dans toute la ville, les policiers se mettent en alerte à la recherche de ce tueur de flics. Au commissariat, les deux sœurs donnent l'adresse de cet André dans la vieille ville de Toulon. Aussitôt, les enquêteurs se rendent sur place. Au dernier étage du petit immeuble, ils découvrent un véritable capharnaüm, un amoncellement d'objets divers entassés, où les portefeuilles volés côtoient des sous-vêtements féminins, du matériel de montagne ou encore des dictionnaires français et italiens. Mais surtout, on trouve de nombreuses armes ainsi que plusieurs photos d'identité de ce mystérieux André. Les enquêteurs ont désormais un visage à donner au suspect ainsi que des empreintes digitales exploitables. Parmi les objets découverts, on retrouve certaines affaires volées dans diverses agressions commises ces derniers mois dans les Alpes. Les armes retrouvées sont aussi analysées. Les expertises balistiques confirment qu'un des pistolets est bien celui qui a servi lors de l'agression de Jackie à Toulon, mais aussi pour le meurtre du policier Castillo en Savoie. Les policiers font donc le lien entre les agressions et les meurtres qui secouent les Alpes et le sud du pays depuis avril 87. André, l'homme au tri, serait donc la même personne. Un avis de recherche est diffusé. Il comporte une description physique d'André, ainsi qu'une des photos retrouvées dans son appartement de Toulon. Les journaux relaient la nouvelle, comme ici, sur France 3. Cette photo retrouvée dans la chambre d'hôtel du tueur à Toulon est celle de celui qu'on appelait André, dans les quartiers chauds de la ville, alors que samedi encore le fuyard avait tiré sur les policiers suisses. Tandis que le doute subsiste, les obsèques de l'inspecteur principal Michel Morandin ont été célébrées dans la cour d'honneur de la préfecture de Toulon. Robert Pendreau, le ministre délégué à la sécurité, l'a fait chevalier de la Légion d'honneur. Il a assuré à sa famille et à ses collègues que tout était mis en œuvre pour que son meurtrier soit retrouvé et châtié. Retrouvé, rien n'est donc encore sûr. Cette nuit, le tueur court peut-être encore. Ce mystérieux André est par ailleurs fortement soupçonné d'être l'auteur du double enlèvement du docteur Astoul et de son ami en avril 87 dans les Alpes. Seul le corps du médecin a jusqu'alors été retrouvé. France Vudine, elle, n'a jamais reparu. De son côté, André a fui la ville dans une Alfa Romeo grise. Il fait vite reparler de lui, en Suisse cette fois. Le lendemain du meurtre de l'inspecteur Morande, le 29 janvier 1988, à Rolles, au bord du lac Léman, André braque un pompiste avant de s'enfuir. Quelques jours plus tard, l'employé donne sa version des faits au micro d'Antenne 2. Il a dit, vous la fermez, vous dites rien, autrement je vous dis ça, des trucs comme ça, des menaces. Lui-même, il tremblait déjà comme une feuille. Il claquait des dents, il était plus paniqué que moi. Que moi, ça m'a pas fait grand-chose. Quelques heures plus tard, André est repéré par des brigadiers. Il file. Grâce au signalement du suspect de l'auto, l'Alfa Romeo grise, les policiers suisses font le lien avec le meurtre de l'inspecteur Toulonnais. La surveillance est accentuée dans tout le secteur. Dans l'Alfa Romeo grise abandonnée, les policiers découvrent le revolver gros calibre de marque Mandurin, volé au brigadier Castillo. Très vite, les analyses arrivent. C'est bien l'arme qui a servi lors des meurtres de l'inspecteur Morandin, du docteur Astoul et de Claudine Duchosal. Pour les enquêteurs, il faut mettre la main sur cet André maintenant et vite. Le lendemain, 30 janvier, à quelques kilomètres de Rolles, André braque, une jeune automobiliste. Un témoin remarque la scène et prévient les autorités. Très vite, la voiture de la jeune femme est repérée et des barrages policiers sont mis en place. Dans l'habitacle, André se confie. Il dit à la femme qu'il se sent déjà mort. Arrivé à Berne, 100 km plus loin, la conductrice profite d'un moment de confusion pour ouvrir la portière et se laisser glisser hors du véhicule. Lorsque les policiers atteignent la voiture, elle est vide. André s'est encore évaporé. Peu après, la jeune femme parle de ce qu'elle a vécu au micro d'Antenne 2. Je n'imaginais pas du tout ce qui allait se passer. Il me promettait laisser la voiture quelque part, de me laisser moi avant, et de toute façon qu'il n'y aurait pas de problème pour moi, que j'étais vraiment quelqu'un qui l'utilisait comme ça momentanément. On retrouve vite la trace du mystérieux André. À 19h, ce même 30 janvier 1988, à 20 km de là, l'homme agresse dans un appartement une bande d'adolescents avant de s'enfuir vers 23h30. Privé de voiture, l'homme arrive pourtant à fuir de Suisse, direction l'Italie. Il se réfugie autour de Venise. Un choix, nous le verrons, loin d'être innocent. À Toulon, la fouille de l'appartement continue. Parmi les nombreux objets volés, on retrouve un dictaphone. Il a été dérobé un an auparavant au père de la jeune Brigitte, agressé et violé chez elle dans le Var. Sur l'enregistrement, la voix de l'insaisissable André. Il laisse sa pensée divaguer, comme l'explique Pascal Froment au micro de France Culture en mai 2018. Et quand on a retrouvé le dictaphone Olympus, c'était dans l'appartement de Toulon qu'habitait Roberto Succo, et il y avait cette petite cassette. Succo qui s'était enregistré en délirant, comme d'habitude. Donc ça commence avec Shakespeare et ça se termine avec la Compagnie créole, voilà. Être, on n'est pas être. Ça, c'est ce problème. Je crois qu'il n'y a pas de mots, il n'y a rien à dire. Et quoi croire? Et ça pour continuer à vivre, pour pouvoir boire. C'est ça, boire. Qu'est-ce qui se passera? C'est pareil. Tôt ou tard, on va tous mourir. Tôt ou tard, on doit tous mourir, tous. Et ça, ça fait chanter les oiseaux... Ça fait chanter les abeilles, ça fait rire les oiseaux. Et voilà. Alors, qui est-il, cet André? Cet homme dont le portrait orne les murs des commissariats? Cet homme qui a tué 5 personnes en à peine 10 mois? Le 8 février 1988, à Aix-les-Bains, en Savoie, Sabrina, une adolescente de 16 ans, contacte la police. Et elle va faire basculer l'enquête. We'll be right back. knives makes you wonder how the other half died. Other half died. Makes you wonder, wonder, wonder. Well, you come the man with a look in his eye. It's fed on nothing but full of pride. Look at him go, look at him kick. Makes you wonder how the other half lives. Every single one of us, the devil inside, devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. Here come the world, the look in its eye. You're uncertain, but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. Cet homme est un tueur, appelons-le André, puisque son nom n'a pas encore été révélé. Depuis hier, toutes les polices de Suisse sont sur ses talons. L'homme est revenu dans la région de Berne. Hier après-midi, dans cette gare de marchandises proche de la capitale fédérale, le truand a échappé de justesse aux policiers bernois. Il n'a pas hésité à tirer sur eux, comme il l'avait fait jeudi dernier à Toulon sur les deux policiers français venus l'interpeller. C'est d'une balle dans la tête qu'il avait achevé l'inspecteur Morandin. Son collègue, Claude Ayazi, est toujours hospitalisé, grièvement blessé. La piste du tueur a été retrouvée samedi matin près de Genève, où il avait agressé ce pompiste. Puis il avait changé de voiture, prenant en otage une jeune femme, pour se faire conduire à Berne. Dans la soirée, il violera les deux occupantes de l'appartement, où il se cache quelques heures avant de disparaître à nouveau. C'est bien un fauve qui est traqué depuis la nuit dernière dans la région de Berne. En France et en Suisse, sa photo sera largement diffusée demain. Comme le rappelle ce reportage de FR3, un fauve dénommé André rôde entre la France et la Suisse au début de l'année 88. En février, un avis de recherche est placardé avec la photo et le signalement du suspect. Au commissariat d'Aix-les-Bains, une adolescente de 16 ans est reçue par un policier. Elle a des révélations à faire. Comment ça? L'homme sur la photo, elle le connaît. Et pour cause, c'est son ex-petit ami. Pour elle, il s'appelait Kurt, et il était anglais. Elle l'avait rencontré un an et demi plus tôt, en août 86, à Toulon. Kurt racontait beaucoup d'histoires, des histoires. Souvent à dormir debout, il se disait, tour à tour représentant gadget, espion, gangster, disjockey. Il l'amusait. Les week-ends, il faisait le trajet depuis Toulon, jusque dans les Alpes, et ils partaient tous les deux marcher dans la nature. Les policiers comprennent enfin pourquoi les agressions et les meurtres dans les Alpes ont été commis en fin de semaine. Pendant son audition, la jeune fille se souvient d'un détail. Un soir, il lui avait avoué, en larmes, qu'il venait de Mestre, près de Venise, et qu'il avait tué ses parents. Des informations évidemment capitales pour les enquêteurs. Les policiers français contactent donc leurs homologues italiens. Ceux-ci possèdent effectivement le dossier d'un jeune homme qui a tué ses parents en 1981 avant d'être déclaré irresponsable, puis de s'évader. Son nom ? Roberto Succo. Des comparaisons sont établies, les photos correspondent, ainsi que les empreintes. Enfin, les enquêteurs ont un nom à mettre sur ce visage, un nom et une histoire. Alors qui est-il, ce Roberto Succo ? En 1988, au moment de son errance criminelle, Roberto a seulement 26 ans. Il est né à Mestre en 1962. Son père, un homme calme et effacé, est policier à Venise, tandis que sa mère est tricoteuse à domicile. Tous les trois vivent dans un petit appartement moderne, c'est une famille presque ordinaire. Enfant, Roberto est vif, intelligent, mais immature. Il peut se mettre en rage quand on lui résiste. Sa mère adore son garçon. À l'extérieur, elle le porte au nu et lui prédit un avenir grandiose, mais entre les murs de l'appartement. Elle l'éduque à la dure et ne tolère aucun de ses écarts. L'enfant grandit entre crainte et admiration pour cette femme aimante et tyrannique. Adolescent, Roberto se renferme. C'est un garçon solitaire, arrogant. Sa seule passion est l'automobile. Alors, à ses 18 ans, il s'empresse de passer son permis de conduire. Dès lors, il n'a qu'une obsession, emprunter la voiture de son père. Souvent, il se rend au lycée avec et passe des heures à l'observer depuis la fenêtre de la salle de classe. Ainsi, l'adolescent s'isole-t-il peu à peu de son monde intérieur, obscur, violent. Son rapport avec sa mère est de plus en plus compliqué. Elle se montre extrêmement jalouse de la fameuse voiture. Début 80, elle lui interdit de la conduire. L'adolescent le vit très mal et sa colère éclate. Un jour, il tuera ses parents, c'est juré. Le 9 avril 81, Roberto tient sa promesse. Le jeune homme assassine froidement sa mère, puis son père avec un couteau de cuisine avant de s'enfuir. Il est vite retrouvé, puis arrêté. Face à son absence de remords et à son attitude détachée, le jeune homme est interrogé par des psychiatres. Il est diagnostiqué comme schizophrène paranoïaque, puis interné dans un asile. Un reportage Antenne 2 du 10 février 1988 explique le crime et ses répercussions. Une simple photo pour témoigner d'une tragédie. Le 9 avril 81, ce jeune homme de 19 ans, Roberto Succo, assassinait ses parents dans cette maison de Mestre, près de Venise. Devant les policiers, il dira « On me refusait trop souvent l'utilisation de la voiture familiale ». À l'époque, la justice italienne le reconnaît irresponsable, malade. Condamné à 10 ans de détention dans un asile psychiatrique, il va pourtant passer son baccalauréat. Peu à peu, son état s'améliore et 5 ans plus tard, le voilà placé en régime de semi-liberté. Il s'inscrit en faculté, mais en juin 86, il disparaît. Le défenseur de Succo se souviendra toujours du premier interrogatoire de son client. C'était extrêmement calme. C'était extraordinaire. Il avait tué son père et sa mère, tous les deux. Il a raconté les événements avec un froidure extrêmement, pour moi, incompréhensible. En février 1988, au moment de son identification, Roberto Succo est déjà retourné en Italie. Traqué par la police, il se cache autour de Venise. Finalement, le 28 février, à 21h30, il est repéré par deux agents civils. Ils l'attrapent et lui passent les menottes. Dans la voiture qu'il venait de voler, les fonctionnaires retrouvent l'arme de l'inspecteur Morandin, sa dernière victime. Face aux policiers italiens, Succo avoue tous ses crimes commis en France. Deux jours après son arrestation, le 1er mars 1988, l'Italien tente un coup d'éclat grotesque. Il escalade le mur de la prison et se poste sur le toit. Et là, il se met en scène. Il retire ses vêtements et se met à insulter l'État italien, la police, les curieux, mais aussi Sabrina, son ex-petite amie. Il prend des poses de culturiste et jette quelques tuiles sur les voitures en contrebas. Une centaine de personnes convergent autour du bâtiment ainsi que de nombreuses caméras de télévision, comme ici, celle de FR3. Quella fa la camicia, la lavagna intera adesso! Levatelo dai coglioni con la camicia! Con quella faccia la tua! Fatelo sparire! La messa a segno tutti i coglioni! Quelques jours plus tard, l'homme de 26 ans est soumis à une expertise psychiatrique, 7 ans après la première, et une fois de plus, il est diagnostiqué comme schizophrène paranoïde. Succo est donc jugé à nouveau irresponsable de ses actes, puis transféré dans un hôpital psychiatrique. La décision provoque un tollé chez les familles des victimes françaises et suisses, d'autant plus que l'Italie refuse de l'extrader. De toute façon, le criminel n'a aucune envie d'être enfermé. Il se suicide dans la nuit du 23 mai 1988 en s'étouffant avec un sac plastique et il échappe à tout jamais à la justice des hommes. Ainsi emporte-t-il avec lui ses mystères. Par quelle force était-il guidé? Aurait-il pu être soigné avant de perpétrer tous ses crimes? Le parcours criminel de Roberto Succo, c'est une fuite en avant qui ne pouvait que mal finir. L'histoire d'un criminel malade et d'une souffrance infinie, un homme oublié des institutions, séducteur et meurtrier, qui a laissé derrière lui l'horreur et la désolation. È un macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai. Una calma più tigrata, segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da, da, da. Ormai sono dovuti per amore non incontrarlo mai. Stava lì nel suo sorriso a guardar passare i tram. Vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-da. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le dossier Roberto Succo. Notre invité Pascal Froment, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, historienne, on vous a entendu deux fois dans le récit. Et vous avez écrit ce livre, Je te tue, histoire vraie de Roberto Succo, assassin sans raison. Une enquête passionnante en forme de roman policier paru chez Gallimard en 91. Alors, en 88, vous êtes jeune journaliste à l'Express. Roberto Succo vient d'être arrêté et on vous envoie un reportage à Toulon. Quelles sont vos premières intuitions? Je parle bien d'intuitions concernant l'affaire. Si vous voulez, je n'avais jamais couvert de faits divers de ma vie, donc je me suis retrouvée à Toulon que je ne connaissais pas non plus. J'ai rencontré quelques personnes du dossier, en particulier ce garçon qui a été blessé, dont vous avez parlé, qui s'appelait Jackie, qui appartenait au milieu. Et c'était un peu étrange, comme oui, comme vous dites, c'était vraiment le plongeon. Et quand je suis entrée à Paris le lundi, j'ai annoncé au journal qu'il fallait pas attendre l'été, parce que c'était une série d'articles qu'on écrivait comme des sortes de marronniers, vous savez, comme on dit dans notre jargon, qui devaient être publiés l'été. Et moi, j'ai dit non, il va se suicider, il faut pas attendre, il y a pas d'autre issue. Mais parce que c'était évident et parce que j'aime beaucoup les romans noirs, ça m'a paru la seule issue possible. Il avait tué ses parents. Et donc, on m'a répondu qu'on ne me renverrait jamais sur un fait divers. Et une heure après, ça c'est vrai, une heure après, la dépêche est tombée qu'il était mort dans sa prison. Donc là, mon enquête a commencé. À ce moment-là, je suis allée à Chambéry, à Annecy, etc. Et cette longue enquête a commencé. Mais il faut bien se mettre dans la tête que nous, en France, on n'était pas très conscients du double parricide. En Italie, ils n'étaient pas tellement conscients de ce qui s'était passé en France, des cinq crimes que Robert... Enfin, il y avait plus que ça, puisqu'il y avait des viols, mais je parle de crimes de sang. Voilà, que Roberto Succo avait commis. Donc, il y avait une espèce d'incompréhension de part et d'autre. Et moi, quand je suis partie à Toulon, c'est vrai que j'avais vraiment mésestimé, j'avais même fait un peu l'impasse sur le fait qu'il avait tué son père et sa mère, ce qui était quand même le crime fondateur. Alors, en racontant cette histoire, je me disais, oui, c'est une histoire, effectivement, avec un début, un milieu et une fin. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ce fait divers, finalement? Qu'est-ce que ça nous dit? Il n'en est pas moins intéressant, hein, mais qu'est-ce qu'il nous dit? C'est juste le parcours d'un homme, et c'est pas le parcours d'une époque, d'un pays, de... C'est juste lui, oui. Ou alors est-ce que c'est au-delà de lui? Bien sûr, c'est un petit peu tout ça, surtout que ça s'est passé quand même il y a 30 ans. Hein, donc on s'aperçoit quand on le relit que, bon, il n'y avait pas de recherche d'ADN, enfin, il y avait tous ces progrès que la police scientifique a pu faire n'existaient pas. La manière de travailler des journalistes était très différente aussi, il n'y avait pas de portable, enfin, on se débrouillait, on se promenait, c'était beaucoup plus lent. Mais c'est quand même surtout une histoire de folie, donc par définition, complètement incompréhensible. Tueur sans raison, vous dites. Pardon ? Tueur sans raison. Oui, bien sûr, il tue sans sa propre raison, et il n'a pas de raison de tuer aux yeux des gens ordinaires, si vous voulez. Il tue quelqu'un parce que ce quelqu'un va le déranger. Par exemple, le brigadier Castillo, dont vous avez parlé, lui a demandé ses papiers. Et ça a suffi à déclencher une sorte de fureur. Mais... il me semble, enfin, on en est réduit aux suppositions, mais que quand on a tué père et mère, on peut tuer absolument tout le monde, à commencer par soi-même. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en général, les doubles parricides, qui sont plutôt, heureusement, assez rares, très rares même, se terminent généralement en suicide, ce que je ne savais pas quand je suis allée à Toulon. Mais le monde n'existe plus, quoi, il y a quelque chose comme ça. Chez Roberto Succo, il y a ce mode opératoire très particulier, parce que l'itinéraire de ce garçon est particulier, lui-même l'est aussi. Ce parcours d'abeille dont vous parliez à nos confrères de France Culture, dans ce qu'on a diffusé, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette manière de procéder, parce qu'il est à la fois cambrioleur, agresseur sexuel, meurtrier, il est tout ça sans être ça, et tout en l'étant. Il est assez polyvalent, en effet, oui. Non, si vous voulez, on a remarqué quand même, et c'est surtout le travail des gendarmes qui a été un travail remarquable à partir de la disparition de France Viudine et du docteur Astoul. Ils étaient sur le point de l'identifier quand Roberto Succo a commis le crime contre l'inspecteur Morandin. Mais les gendarmes de Chambéry étaient tout prêts à ce moment-là d'avoir reconstitué, si vous voulez, toutes les choses. Mais il est vrai que souvent, c'était pas des repérages, mais il avait ses petits parcours. Il voyait, par exemple, il y avait un hôtel où il allait régulièrement cambrioler. Il était habitué. Je sais pas, est-ce que ça le rassurait, parce qu'il était quand même très très malade, ce garçon. Donc il était très très effrayé lui-même. Vous savez, à un moment, on entend le compagnon de France Viudine, c'est très touchant, qui dit « J'ai l'impression qu'il est pas méchant ». Il dit ça peut-être parce qu'il a vu des photos ou sous quoi il a l'air d'avoir une bonne tête, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il a des comportements plutôt très très infantiles, quoi. C'est immature, ça qui est complètement. Oui. Dans le récit, on voit qu'il se déplace beaucoup, qu'il commet des crimes dans différents lieux. Vous expliquez très bien dans votre livre, d'ailleurs, à quel point l'enquête a été compliquée. Est-ce qu'il y a eu des défaillances du côté des enquêteurs ou une guerre des polices, ou je sais pas, aux gendarmeries, aux policiers? Il y a eu quelque chose de cet ordre-là, ou simplement parce que l'enquête était difficile, voilà? L'enquête était épouvantable puisqu'il était tout seul. Par conséquent, il risquait pas d'être dénoncé par un complice. C'était totalement irrationnel, si vous voulez. Bon, il y a un petit mode opératoire comme ça, donc nous parlions à l'instant, le parcours d'Abeille, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. On ne sait pas du tout qui il est, il disparaît, réapparaît. Les gendarmes ont été à deux doigts de l'arrêter à plusieurs reprises, il réussissait toujours à se faufiler. On ne sait pas du tout qui il est, on n'a pas idée qu'il est italien, parce que ça paraît dans votre récit assez évident qu'il est italien, mais on a cru longtemps qu'il était allemand, qu'il était suisse. Toutes les nationalités y sont passées, vous voyez. Sa petite amie lui avait dit qu'il était anglais, il avait pris un prénom allemand d'ailleurs, Kurt. Oui, voilà, il était dans un délire perpétuel, donc c'était très difficile. On ne peut pas du tout accuser les enquêteurs de ne pas avoir travaillé. Simplement, à la fin de l'enquête, mais là, de toute façon, c'était trop tard, il y a eu beaucoup de dissensions entre les divers magistrats. Il y avait 23 dossiers d'instruction quand même à ce moment-là qui étaient ouverts contre X, et X c'était Roberto Succo. Il y a eu comme ça pas mal de tirs. Le regret infini qu'on peut avoir en dehors de tout ce qui est épouvantable dans cette histoire, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Franz Wudin. Il a passé des simili aveux dont on ne sait absolument pas quelle valeur leur donner, où il a donné un récit très flou de ce qui s'était passé, où il l'aurait tué, mais il n'a pas indiqué à quel endroit, etc. Donc c'est un corps qu'on n'a jamais retrouvé. Contrairement à ce que disait un journaliste dans une des interventions qu'il y a eu, elle ne connaissait absolument pas le docteur Astoul. Il a enlevé les deux le même jour, ils ne se connaissaient pas du tout. Et tout ça, vous imaginez, si on nous demandait de faire une enquête pareille, on commettrait les mêmes choses. Mais je vous dis, à la toute fin, quand il a tué Morandin, qu'il est arrêté en Italie, donc seulement, là, il y a eu vraiment, les juges entre eux se sont un peu piétinés, etc. Il y a eu des erreurs de commis. La justice italienne n'avait pas tellement envie qu'on insiste sur le fait qu'ils avaient laissé partir un double parricide sans jamais le rechercher, ce qui fait qu'on n'a pas pu vraiment l'interroger sur les affaires françaises. Au cours de votre enquête, vous avez rencontré plusieurs survivantes de Succo. Enfin, elles sont passées à travers les mailles du filet, notamment Françoise, l'automobiliste suisse avec qui il a passé plusieurs heures. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces femmes, et à votre avis, pourquoi les a-t-il épargnées ? Françoise Vernaz était institutrice, elle avait l'habitude de parler aux enfants. C'était une femme, c'est toujours d'ailleurs une femme très calme, toujours très solaire, elle a quelque chose de joyeux, elle est formidable. Et je pense qu'elle a eu, je veux en rien, si vous voulez, dire que les victimes n'étaient pas bien. Mais elle a eu, je crois, vraiment la bonne réaction sans le savoir. Elle a fait ça instinctivement et elle a réussi à lui parler, elle a réussi à le calmer. Parce que le problème qui se produisait d'après ce qu'on a pu recouper, etc., c'est qu'il se mettait dans des colères épouvantables et là, c'était fichu, on pouvait plus rien faire. Donc elle a quand même réussi à faire baisser la pression. Et elle a eu un courage extraordinaire et elle s'en est sortie. Et vous avez rencontré d'autres femmes qui ont été ne serait-ce qu'abordées par lui Sabrina. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Pardon ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle m'a beaucoup parlé, je ne peux pas vous résumer en un petit moment. Non, bien sûr, mais la teneur de son discours. Pour moi, Sabrina, c'était formidablement important parce que personne ne l'a... C'était pas parce que je voulais être la seule à l'avoir vue, ça n'a rien à voir avec ça, mais elle était la seule à détenir vraiment des secrets, si vous voulez. Donc j'ai mis du temps à l'approcher parce qu'elle était mineure et je voulais pas risquer de la blesser davantage parce que elle a failli être victime, il a failli la tuer plusieurs fois, elle s'en était pas rendu compte. Et quand je l'ai rencontrée, c'était à la toute fin de mon enquête et je me disais d'un mot, elle peut mettre par terre tout l'échafaudage que j'avais construit moi. Et en réalité, non, c'était bien comme ça que les choses s'étaient passées, si vous voulez. Et donc, c'est une histoire d'enfants, c'est deux enfants qui se rencontrent, quoi, si vous voulez, Sabrina et Succo. Et là, du coup, il va l'épargner, parce qu'elle le croit. Elle est d'ailleurs la seule à qui il a fait la confidence qu'il avait tué ses parents. Effectivement, on l'avait dit aussi dans le récit. On va écouter maintenant une archive, une dernière archive ensemble. Il s'agit d'un reportage d'Antenne 2 qui date de mai 1988, juste après le suicide de Roberto Succo. Au bout de la folie, Roberto Succo, le 30 février dernier, sur le toit de la prison de Trévise, près de Venise. Il venait tout juste d'être arrêté. Toute la souffrance d'un malade mental changée en haine et en désir de tuer. Roberto Succo s'est tué lui-même ce matin dans sa cellule du pénitencier de haute sécurité de Vicence. Il se serait asphyxié en s'enfermant la tête dans un sac en plastique. Une nouvelle expertise psychiatrique venait tout juste de rendre ses conclusions. Roberto Succo était soumis à un instinct irrépressible qui lui imposait ses actes. Jusqu'au dernier, sans doute, la nuit dernière, le suicide en prison. Voilà, donc la fin que vous aviez prédite. Hein. Oui, enfin, c'était vraiment un hasard, mais... Ouais. Est-ce qu'on peut parler, concernant Roberto Succo, de tueur en série? Si tant est qu'il faille vraiment mettre une étiquette aux choses. Moi, mais... je pense qu'on peut pas mettre d'étiquette en général, et dans ce cas en particulier, c'est très difficile. À l'époque où j'ai écrit mon livre, l'expression n'existait pas, il n'y avait pas encore eu le silence des agneaux, il n'y avait pas tout ça. Et non, parce que même s'il y a ces pseudo-repérages, parfois, avant certains enlèvements, c'est vraiment un tueur de hasard, si vous voulez. Donc, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas... Puis j'aime pas beaucoup cette façon d'étiqueter. Je crois que chacun a son histoire et que il faut essayer de sortir les gens de leur monstruosité en essayant de raconter leur histoire. Vous avez également l'opportunité d'entrer dans l'appartement qu'il occupait, dans lequel il accumulait de nombreux objets. Vous pouvez nous décrire ça? Oui, à Toulon, j'ai pu rentrer dans l'appartement avec un policier qui m'a permis de faire sauter les scellés, d'entrer. Je n'ai pas retiré les scellés moi-même. Bon, à l'époque, je pense que Succo devait déjà être mort. Mais c'était incroyablement impressionnant. Bon, d'abord parce que j'étais dans mon sujet, donc forcément ça m'impressionnait. Mais surtout, c'est une accumulation. Bon, les policiers avaient déjà tout retourné, donc c'était pas dans un ordre extraordinaire. Mais on sentait qu'il n'y avait pas eu besoin du passage des policiers pour... Enfin, qui est ce chaos-là. Il me semble que quand ils sont arrivés là, ils auraient dû voir tout de suite ce que j'ai vu moi, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines parmi des milliers de choses de sacs à provisions qui venaient de Chambéry et d'Annecy, parce que eux n'ont pas fait le rapprochement, ça n'a rien changé d'ailleurs, mais n'ont pas fait le rapprochement immédiatement avec les crimes de Savoie et Haute-Savoie. Eux, ils arrivaient, c'était Toulon. Et en fait, là, on comprenait, si vous voulez, que comme il avait sa petite amie à Aix-les-Bains et que lui, il habitait Toulon, c'est la route sur laquelle le chemin entre les deux était la route sur laquelle il commettait ses crimes. Et c'était important dans une enquête, évidemment, mais c'était très, très impressionnant. Mais vous savez, à l'époque, ce quartier de Toulon qui n'existe plus, qu'on appelait Chicago ou la basse ville, c'était vraiment un lieu où personne ne posait de questions, c'était un lieu de prostitution, c'était un lieu où il y avait tous les petits malfrats du quartier, enfin de la ville qui se retrouvaient. Donc il était assez à l'abri dans son Capharnaüm, là. Personne ne s'interrogeait sur lui et lui ne parlait à personne. Vous dites Capharnaüm, est-ce que le chaos et le fatras de son appartement, c'était aussi le fatras de son âme? Ah oui, ça me paraît assez clair, oui, que c'était vraiment un reflet du bazar inimaginable qu'il avait dans la tête, oui, bien sûr. Vous êtes également allé en Italie, donc à Mestre, là où il a grandi. Oui. Alors, je note quand même qu'il tue deux policiers français et que son père est policier. Que deux policiers français? Il tue deux policiers français. Et son père est policier. Oui, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de faire un petit peu d'analyse sauvage, en effet, en se disant que quand même, il y a une répétition. Mais quand il est sur les toits de la prison, donc quelque temps avant de passer dans une prison de plus grande sécurité, il est sur le toit en train de faire son numéro, qui est resté assez présent à l'esprit des gens qui l'ont vu à l'époque, à la télévision. Et à un moment, on entendait d'ailleurs tout à l'heure dans le reportage, on entend les pales d'un hélicoptère. Oui. Et lui, à ce moment-là, sur le toit, il dit « Ciao, papa », parce que son père était policier, et il dit « Bonjour aux policiers ». Vous voyez, donc, cela dit, il s'entendait très bien avec son père. Donc, une fois de plus, on en est réduit à des suppositions. Nous, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, c'est impossible. Alors, Roberto Succo a inspiré de nombreux créateurs, Bernard Maricoltès et sa pièce de théâtre en 1990, puis Cédric Kahn et son excellent film en 2001, film qui s'est d'ailleurs appuyé sur votre livre. Oui. Comme quoi, il y a un besoin de raconter cette histoire-là, alors qu'on dit qu'effectivement c'est juste le parcours d'une folie, et d'une folie meurtrière. Mais c'est une enquête infinie, on n'a jamais de réponse, donc on a envie de savoir, donc on continue à travailler. Coltès, je le mets un peu à part parce que c'est un travail de créateur. Lui, il a pris appui sur cette histoire, mais il en a fait une création, c'est complètement différent. Moi, j'ai vraiment essayé de reconstituer l'histoire et Cédric Kahn a trouvé ce livre à son goût et il en a fait un film. Roberto Succo, le livre, hein, « Histoire vraie d'un assassin sans raison ». Pascal Froment, merci en tout cas d'être passé nous voir et de nous avoir confié à la fois vos souvenirs et de nous avoir donné tous les détails autour de cette histoire. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Roberto Succo, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, évidemment. Et merci à Ronan Mahé qui était à la technique aujourd'hui.